« Je vous aime, madame. Vous ne le savez pas encore, mais bientôt vous allez m'aimer. » Il avait fallu plusieurs semaines avant que le hasard ne nous remît face à face. Plusieurs semaines qui me semblèrent une éternité. Je rongeais mon frein comme je pouvais à coups de trépigne et de mauvaise humeur. Madame Fargeau, la responsable de l'accueil, disait partout à qui voulait l'entendre que ma présence envahissante dans le salon de lecture troublait l'harmonie et la sérénité du lieu, que je n'étais plus digne de vivre au sein de la grande famille des Papibor, qu'elle envisageait de modifier les termes de mon abonnement annuel, menaçait parfois de me retirer ma carte, vous vous rendez compte, que j'avais répété un soir à M. Maréchal, mon voisin de palier, « Cette vieille folle va me retirer ma carte. » C'est du chantage. Mon comportement au sein de la bibliothèque avait-il changé au point d'exciter la colère de Mme Fargeau? Sans aucun doute. Je prenais n'importe quel livre au hasard, m'installais dans le salon de lecture, face à la porte d'entrée, un œil sur le bouquin, l'autre dans la rue. Et dans le même temps, je ruminais des histoires d'amour improbables, qui toutes se mélangeaient avec le livre, la rue, la bibliothèque, se transformaient en délire. Madame Fargeau, qui me surveillait du coin de l'œil, devenait tantôt belle du Seigneur, tantôt la femme Thénardier. C'était dingue tout ce bazar dans ma tête, au milieu du bruit des pages que je tournais avec rage, sans toujours les lire. Je me souviens de ce soir, un peu avant la fermeture, nous n'étions plus que deux, Madame Fargeau et moi. Je lui ai jeté le roman que j'avais fait semblant de lire sur la table et j'ai craché. « Courteline, c'est de la merde !» J'avais beaucoup de colère et de tristesse dans les yeux, faut croire, parce qu'elle a sursauté Madame Fargeau, puis elle a regardé le livre et m'a répondu « C'est un roman de Modiano. » Putain, ça m'a foutu un coup, cette confusion. J'avais dû lire Courteline quelques jours auparavant, piocher dans l'essai, là où bientôt il y aurait une petite place pour mon livre, ce beau roman d'aventure dont je n'avais écrit que la première ligne, raturé deux fois, et qui devait me conduire à Madame Roberts avec T.S. Faudrait jouer des coudes et des pieds dans cette folie douce mais déjà envahissante, tenir la rampe à deux mains, sans complexe, faire honneur à l'amour improbable de Madame Roberts, aux enfants que je n'aurai peut-être jamais, en tout cas pas tout de suite. Je me suis mis à pleurer. Avec une grande douceur, cette fois, Madame Fargeau m'a dit « Vous devrez y rentrer, Monsieur Campagne. » Je suis rentré. Je me sentais mieux que d'habitude, bien que la journée fût semblable aux autres. Sauf que Madame Fargeau m'avait vu chialer, qu'elle avait compris ma détresse et parlé avec une grande douceur. C'était rassurant pour l'avenir. J'ai mis une nappe blanche sur la table, les assiettes et les couverts, débouché une bouteille de morgon. Il ne manquait plus qu'un bouquet de fleurs au mi-temps, les chandelles et le toutim. Ça remuait plein de choses dans ma tête, ce décorum, des choses compliquées que les spécialistes n'y sont pas encore arrivés à comprendre, mais qu'ils peuvent expliquer car ils sont fortiches. Pour ça qu'on les appelle spécialistes. Des choses qui te font pressentir ce que personne d'autre ne peut pressentir à cet instant précis. Un verre qu'elle prend dans sa main et porte à ses lèvres. Un « passe-moi le sel mélodieux ». Et tu sais bien que ça ne durera pas, et tu t'en fous. C'est comme un bonbon à la menthe que tu fais tourner sur la langue. Il va fondre, disparaître, t'auras encore, mais pour peu de temps, la fraîcheur de la menthe dans la bouche, et puis plus rien. On se souvient toujours du bonbon, jamais du plus rien. Sinon, nous arrêterions d'en manger. Je me suis remis à chialer. Le lendemain, Madame Roberts s'entrait à la bibliothèque. Je crois qu'elle aussi a été contente de me revoir, que j'étais devenu pour elle comme une image familière qui vous rappelle que rien n'a changé depuis la dernière visite. Le salon de lecture face à l'entrée, silencieux et recueilli, la tapisserie vieillotte, rouge, et ce vieux barbon barbu, comment s'appelle-t-il déjà, en faction, au même endroit. Elle est venue vers moi et m'a tendu la main, dit qu'elle était heureuse de me retrouver là, fidèle au poste. Elle s'est assise juste en face de moi et tout en fouillant dans un grand sac de toile qu'elle avait posé sur la table, elle m'a donné en vrac toutes sortes d'explications que je ne lui demandais pas. Sur les raisons de son absence, un déménagement long et pénible avec tous ses cartons à faire et défaire, un œdème de Quinque, elle avait prononcé Quick, mal soigné. C'est douloureux, un œdème de Quick, vous connaissez? Non, je ne connaissais pas. Mais je me suis souvenu d'une bande dessinée de mon enfance, dans les années 50, deux vauriens, Jean Gavroche aux prises avec un gros flic débonnaire, l'un d'eux s'appelait Quick. Elle s'est marrée. Rien à voir, qu'elle m'a fait remarquer. C'est si loin, les années 50, n'est-il pas? Ensuite, elle a déversé le contenu du sac sur la table pour faciliter la recherche, tout en continuant à me raconter mille petites choses pleines d'intérêt, auxquelles je ne comprenais rien. Mais c'était que de la musique. Les mots tombaient sur la table en perles rares, se mélangeaient aux tubes de rouge à lèvres, aux Kleenex, aux clés. Et puis, un gros carnet à spirale avec des fleurs imprimées sur la couverture, un paquet de Marlboro, des odeurs de filles et de villes. J'ai ressenti très fort le sucré du bonbon à la menthe sur la langue. Je n'osais plus bouger. Je la regardais fouiller dans ce fatras intime qu'elle avait posé devant moi, sans pudeur, en toute confiance. Je regardais ses cheveux courts très noirs qui lui donnaient un air juvénile. Enfin, elle a trouvé ce qu'elle cherchait, une boîte de médoc déformée. « C'est mon traitement », qu'elle a dit. « L'œdème n'est pas encore tout à fait résorbé. » Mais j'avais reconnu la boîte de Prozac. Tu parles si je connaissais le produit. J'en avais bouffé pendant 100 piges, à l'époque de Nanterre et plus tard chez Nordine. On faisait un cocktail Prozac Pinard 1664, que le petit Raymond avait baptisé Torpille. Je suis allé lui chercher un verre d'eau. J'en ai pris un moi aussi. On a trinqué comme au bistrot, à la vôtre. Et c'est là qu'elle m'a donné son nom, Roberts, avec TS, comme je l'avais raconté plus haut. À la vôtre, Madame Roberts. Moi, je m'appelle Campagne. Je veux être écrivain plus tard, quand j'aurai des gosses. Alors je viens me documenter ici. Il n'y a pas mieux comme endroit. Avant ça, j'étais clochard. Elle m'a dit, je ne me crois pas. Puis elle a ri, et nous sommes sortis dehors, elle pour fumer une clope, moi pour l'accompagner. J'ai remarqué qu'elle avait des godasses complètement défoncées, de vieilles pompes en cuir burinées par les intempéries, et j'aurais donné n'importe quoi pour dormir avec, les embrasser toute la nuit, leur lécher la semelle, comme des bonbons à la menthe. Elle m'a dit doucement, « Écrivain, c'est un beau métier. Vous avez déjà écrit quelque chose ?»« Bien sûr, » que j'ai répondu fièrement. « Une seule phrase pour l'instant, assez bien tournée, il me semble. Mais je n'en suis pas content, je vais l'abandonner. » Elle a daigné sourire à ce qui n'était pas une blague, mais la vérité vraie. Alors j'ai voulu rattraper le coup, lui dire que j'écrivais depuis longtemps, mais jamais des livres, que des histoires qui se barraient en fugue, sans point final, et presque pas de virgule, des histoires en attendant. Elle a éteint sa clope sur le mur, puis elle est partie sans écouter la suite. Je ne lui en ai pas voulu. Quand on soigne un œdème de quinqué au Prozac, le bonbon à la menthe avait encore une bonne saveur. Je me suis baissé pour ramasser le mégot de sa clope. Il y avait un peu de rouge à lèvres sur le filtre, un rouge à lèvres qui demandait « En attendant quoi ?»« En attendant de vous aimer, madame. » Les rues étaient boueuses, mais je suis rentré chez moi ce soir-là beaucoup plus léger que d'habitude. J'ai posé le mégot de Madame Robert sur la table basse du salon, à côté d'une bouteille de rhum vieux, une rescapée. C'est ma sœur Colette qui me rapporte du rhum vieux des Antilles chaque fois qu'elle en revient, du 15 ans d'âge inscrit sur l'étiquette. Mais il ne parvient pas à vieillir plus longtemps, car j'en mets à toutes les sauces, toutes les flambes. Parfois je m'en sers d'après rasage, il m'arrive même d'en boire. Si je mettais le mégot à tremper dans du rhum vieux, à l'intérieur d'un flacon, peut-être qu'il se conserverait jusqu'à perpète, comme le pouce du grand-père qu'on pouvait admirer, longtemps après sa mort, en train de barboter dans du formol. Il était pharmacien et collectionneur, le grand-père. Il conduisait une quatre-chevaux, et un jour, par distraction, il a laissé son pouce dans la portière. C'était un vieux pouce, qui avait déjà beaucoup servi, mais quand même. Il a dû jongler, Pépé. Si un jour les enfants, que je n'aurai peut-être jamais, trouvent ce mégot de Marlboro dans un flacon de vieux rhum, ils vont se demander, les petits cons. C'était rien qu'une pensée farfelue, pas plus lourde que les vapeurs de rhum. Je l'ai abandonnée illico avant de virer fétichiste. Et aussi je trouvais qu'elle manquait d'espérance, l'idée qu'elle sous-entendait qu'il n'y aurait plus jamais d'autres mégots, que mon aventure amoureuse avec Madame Roberts serait aussi brève que la première phrase de mon premier roman. Et il n'était pas question de baisser les bras aussi vite. J'avais arrêté de fumer depuis un bail, autant par crainte du cancer que de la ruine. Alors j'allumais le mégot, un peu tordu, taché de rouge, et je tirais dessus comme un forcené. Je le trouvais beaucoup moins savoureux qu'un bonbon à la menthe. À cet instant, je m'en souviens, M. Maréchal, mon plus proche voisin, a frappé à ma porte, timidement comme d'habitude. Il n'était pas loin de minuit, donc je savais que ce serait M. Maréchal avant même d'ouvrir. car c'est toujours dans ces parages qu'il vient s'excuser d'avoir fait trop de bruit, et me demander si cela ne m'a pas perturbé. Il pourrait attendre le lendemain pour me poser la question, mais non. Le lendemain, en général, c'est son épouse qui frappe à la porte et qui m'offre une part de quiche enveloppée dans du papier alu. Ou bien un restant de bourguignon pour se faire pardonner, dit-elle. Le bruit en question, je ne l'ai jamais entendu, bien que le mur qui sépare nos deux appartements ne soit pas très épais, car je passe tout mon temps libre dans la chambre où je ne fais pas que dormir. Au fil des jours et des semaines, j'ai fini par comprendre que M. Maréchal reçoit chez lui quelques amis, chaque fois qu'un match de foot est retransmis à la télévision, et je suppose que ces soirs-là, ce doit être un joyeux vacarme dans l'appartement, que les cris de joie ou de colère jaillissent des poitrines si le ballon entre dans la cage ou se perd dans les étoiles. À Paris, quand nous arpentions l'hiver de la Bastille, Zizou et moi, en recherche de soupe, nous savions que les soirs de match, nos estomacs feraient des gargouilles plaintifs, car les rues étaient désertes. Zizou, qui avait le sens de la formule et quelques notions footballistiques, disait que le foot avait remplacé les jeux du cirque, que ses effets sur le peuple étaient les mêmes. Il disait aussi que c'était le seul spectacle où l'on voyait une poignée de milliardaires jouer à la baballe pour amuser des millions de pauvres, obèses, à force de boire de la bière et manger des chips. Moi, je me demandais comment M. Maréchal et son épouse, qui n'étaient obèses ni l'un ni l'autre et n'affichaient pas de signes extérieurs de pauvreté, pouvaient s'adonner à un loisir aussi grotesque et bruyant. Mais une autre question me taraudait l'esprit, bien plus que celle-ci. Pourquoi M. Maréchal venait-il frapper à ma porte chaque fois qu'il faisait du bruit alors que, dans le principe, c'est plutôt l'inverse qui se fait? En matière de bruit, s'il en est un qui me dérange plus que les autres, c'est celui de la chasse d'eau. Tout le jour et jusque tard dans la nuit, j'entendais à heure fixe une espèce de grondement sourd répercuté par la tuyauterie. Puis, les nuisances se sont faites plus rares, sans raison connue. Mais moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je soupçonne M. Maréchal d'avoir subi une opération de la prostate. Et ça aussi, je le tiens de Zizou qui affirmait que l'opération de la prostate était une excellente régulatrice de chasse d'eau. J'aurais plein d'autres choses à raconter sur M. Maréchal, mais chacun son tour. Dans l'immeuble, il est un personnage encore plus excentrique et que je rencontrais le jour même où j'aménageais les quatre bouts de bois qui me servent de meubles dans le 30 mètres carrés du 6e étage, orienté plein sud. Elle s'appelle Bron, affiche une 50aine d'années au compteur et vit seule dans un studio du rez-de-chaussée à droite en entrant. Quand je la vis pour la première fois, elle passait la serpillière dans le hall de l'immeuble et d'emblée me cria dessus, anticipant tous les ravages que j'allais faire en son royaume, à commencer par les traces de pas sur un sol encore humide. Comme cadeau de bienvenue, j'avais connu meilleur. Je me suis aplati en excuses dégoulinantes, pire que sa serpillière. Naïvement, j'ai pensé qu'il s'agissait de la concierge, oubliant ou ignorant que le métier avait quasiment disparu du paysage immobilier depuis fort longtemps, a fortiori dans les immeubles HLM. Un peu après cet épisode, j'engrangeais à la bibliothèque municipale une masse de renseignements sur cette profession tombée en désuétude, notamment chez Eugène Sue, et depuis je lui donne du bonjour, Madame Pipelet. Au revoir, Madame Pipelet. Et comment allez-vous, Madame Pipelet? Et ce n'est qu'après m'avoir fait remarquer vainement, non sans agressivité, qu'elle s'appelle Bron et non Pipelet, qu'elle abandonne la partie et se venge sur la serpillière. On la voit partout, Madame Bron, à tous les étages, toujours avec un chiffon à la main, un balai, une perceuse. Et si elle ne porte pas le courrier au locataire, c'est parce que maintenant ils reçoivent des mails. J'ai connu quelques femmes dans ma vie, beaucoup fantasmaient depuis l'enfance sur une fonction prestigieuse, rêvaient d'être mannequin, hôtesse de l'air ou cantatrice. Mais savoir que depuis l'école maternelle, peut-être, Madame Bron n'avait eu d'autre rêve que celui d'être concierge et s'apercevoir à l'âge adulte que le métier n'existe plus, c'est de la grande tragédie. Au fond, je me demande s'il n'y a pas chez elle, comme un réflexe d'autodéfense, une thérapie préventive, qui la poussera à mimer chaque jour tous les gestes professionnels d'une profession disparue, gratos, histoire de faire la nique à la frustration, de contourner la déprime. Je ne sais pas si Eugène Sue aurait aimé croquer Madame Bron, comme il avait croqué Madame Pipelet. Les dames d'aujourd'hui me paraissent moins croquantes que celles du temps jadis, et le décor aussi. Combien de pages il aurait noirci, Gégène, pour décrire cet immeuble HLM, sa volée d'escalier, son ascenseur minuscule qui sent la pisse, Ma crèche du sixième, au mur badigeonné de jaune tilleul, meublé à l'économie et le paillasson devant la porte. Sûrement pas des kilomètres.